Cours d'écoute anthropologique, cinquième séance, le 12 mars 2016. Donc c'est ça, je vous disais que je remplaçais Christian au pied levé et puis donc je cherchais mes documents sur le cours, j'ai trouvé celui-ci qui m'a paru finalement assez adéquat parce que il, en plus de traiter la question sous un angle clinique, il lui donne une dimension politique à laquelle je tiens. Dimension politique qui est un peu stressante, il est vrai, mais il faut bien prendre ses responsabilités, si vous voulez, puis accepter l'idée. Bon. Alors, c'est un texte que j'ai présenté à Neuchâtel en Suisse qui a fait l'effet d'une bombe. Et puis je suis devenu persona non grata depuis en Suisse. Alors vous me direz si... J'imagine qu'il y a aussi certains éléments qui ont fait l'effet d'une bombe. Oui, c'est ça. Pas l'ensemble. Non, pas l'ensemble, effectivement. Alors, je vais donc parler d'une théorie de la théorie freudienne de la phase oedipienne et de la phase phallique. Je ne vous apprends rien en vous disant que durant la phase oedipienne, nous avons affaire à un triangle père-mère-enfant et que durant cette période, les objets partiels occupent une place primordiale. Hein? Donc il y a là la notion d'objet partiel qui est réellement importante et dont on n'a pas suffisamment mesuré le poids, parce que je pense que cette notion d'objet partiel doit être différenciée de la notion d'objet tout court. Hein? Objet partiel, c'est un objet qui n'est pas encore un objet. Hein? C'est un objet qui n'a pas abouti, si vous voulez, dans l'espace tridimensionnel encore. C'est un objet quand même assez exceptionnel que l'objet partiel. Cette phase, cependant, prend fin avec la résolution du complexe d'Œdipe pour céder la place à la phase phallique, où la triangulation s'opère désormais entre mère-enfant et phallus. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette théorie devrait nous suffire pour comprendre le problème que l'on s'est donné, à savoir les différences Orient-Occident et les fantasmatisations qui les accompagnent, à condition de lui rendre un peu de son tranchant, émoussé par plus d'un siècle d'usure. L'objet partiel. La phase oedipienne est marquée par son caractère partiel. L'objet est partiel. Dans le sens, c'est des parties, mettons, de la mère, des parties du père? C'est des parties de corps. Des okay. Parties de corps. Comme, mettons, le sein, ça serait un objet partiel? Oui, le sein, le caca, C'est toujours des parties de corps. Okay. La voix, le regard aussi. Mais je pense que c'est, vous verrez comment cette théorie de l'objet partiel est une structure qui peut s'étendre à bien des domaines. Hein? Et le rapport père-mère-enfant qui, par lequel on a découvert la notion d'objet partiel est un exemple parmi beaucoup d'autres où l'objet partiel joue un rôle. Et vous verrez que la notion d'objet partiel peut s'étendre comme ça à un certain nombre d'autres objets qui ne sont pas forcément dans un rapport d'érotisation comme c'est le cas de l'objet partiel. L'objet est partiel, les parties du corps de l'enfant le sont aussi. Rappelez-vous qu'il est pervers polymorphe, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est que son corps est aussi en morceaux. Pas vraiment en morceaux, mais il est en zone différente, en zone érogène. La perception aussi est marquée par un souci du détail. Rappelez-vous le trait unaire, l'Einzigerzug, ce petit trait distinctif qui représente quelqu'un. Reconnaissant ce trait, l'enfant est rassuré, c'est bien à la bonne personne qu'il a affaire. Et s'il veut emmener cette personne avec lui, il va adopter ce trait distinctif comme étant sien. Ça, c'est la théorie de l'identification, où une partie représente le tout, c'est-à-dire une toux représente quelqu'un. Un trait du visage représente quelqu'un. Voilà. Mais bon, là on a affaire à un objet partiel qui vient représenter un objet total. Tout, tout, tout, vous serez tout sur le zizi. Merde, là j'ai perdu le... On va pas, ouais, comme ça. Alors, en revanche, la phase phallique est marquée par l'idée de totalité. Comme dit Lacan, quel que soit X, phi de X, pour tout X, X a un phallus. C'est ça la théorie, la théorie de la phase phallique. Ce qui veut dire, en langage profane, que tout humain, quel qu'il soit, a un phallus. Cette proposition, qui en apparence est purement sexuelle, est en réalité une formule logique qui a une grande influence sur la pensée depuis la nuit des temps, et notamment sur la pensée occidentale moderne. Il y a une grande quantité de propositions ayant cette formule pour base et qui structurent notre pensée et notre façon de concevoir le monde. On va passer en revue quelques-unes seulement. Tout élément du psychisme est sexuel, ça c'est la théorie de Freud. Toute la réalité est prise en compte par la science. Tout doit se dire dans les associations libres. Tous les problèmes psychiques doivent être traités par le psy. Tout être humain est social. Toute la réalité relève de ma certitude cartésienne. Tout ce qui est incertain n'existe pas. Tout mon corps apparaît dans le miroir. Tout Allemand est arien. Tout Israélien est juif. Et plus récemment, tout Français observe une minute de silence pour Charlie Hebdo. Ça, c'est C'est donc une conférence que j'ai faite en mars dernier, là, tout de suite après les événements de Charlie Hebdo. Et bon, ce que j'essaye de formuler ici, c'est l'idée de tout, c'est-à-dire le phallus est associé à l'idée de totalité. C'est-à-dire le phallus, il vient mettre fin au règne de l'objet partiel et il instaure au contraire l'idée de totalité. Peu importe ce que peut être cette totalité, dès qu'il y a totalité, on a phallus. On en vient à formuler cette proposition à la façon de Parménide, l'être est, avec le sous-entendu qui suit que le non-être n'est pas. Ou bien, pour la rendre plus ressemblante à la formule phallique, seul l'être est. On pense au phallus, bien sûr. Il y a donc une méconnaissance radicale du non-être qui est au fondement de cette formule et qui a quelquefois des conséquences dévastatrices. Mais cette méconnaissance du non-être va permettre à l'être de déterminer une structure pyramidale, celle de l'identification. C'est ce qui permet à la science d'exister. C'est ce qui permet au psy d'exister. C'est ce qui permet à la litanie des séances de se succéder. C'est ce qui permet aux heures de se succéder, identiques les unes aux autres. C'est ce qui permet au patient d'arriver à l'heure à son rendez-vous pour une des séances de sa psychothérapie. C'est pour introduire, si vous voulez, l'idée d'uniformité. Là, on a une idée de classement. Jusqu'à présent, jusqu'à tant qu'on avait l'objet partiel, on ne pouvait pas sérier, on ne pouvait pas classer les choses. Chaque objet était spécifique, chaque partie du corps était spécifique, avait son attrait singulier. Mais à partir du moment où on a introduit le phallus, là on peut introduire des séries. On peut dire toutes les parties du corps. Hein? Alors, toutes les parties du corps rentrent dans la série parties du corps. Hein? Comme ici. C'est important cette notion de sériation, si vous voulez, de mise en paquet. En Occident, on considère cette mise en paquet comme étant normale, naturelle. Hein? Mais ce n'est pas un phénomène normal, naturel. C'est un phénomène qui est construit par l'Occident à partir de la modernité. Donc, cette façon de penser est une façon spécifiquement occidentale. Donc, si vous voulez, l'objet partiel en Orient est le phénomène naturel. Est-ce que ça pourrait intégrer la généralisation? Oui, c'est ça. Aussi, hein? Je parle de ça, au fond. Identification, généralisation. Oui, c'est ça. Parce que si on généralise, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent sous le même chapeau. Et ce geste... Comme quand on est normal, mettons, on fait telle chose. Oui, mettons, de façon brute. Oui, ou ce machin rouge appartient à la catégorie des verres en carton. Okay. Le chapeau vert en carton, c'est cette idée de classification n'est pas un phénomène primaire. C'est ça que je veux mettre en valeur. C'est un phénomène secondaire, c'est un phénomène construit. Il se trouve justement que les patients orientaux traditionnels ne sont pas sensibles à ces généralités. Je sais pas si je suis à la bonne place. En tout cas, peu importe. Reconnaître que la personne qu'ils viennent consulter est un spécialiste en psychologie est plutôt improbable. Ils viennent rencontrer quelqu'un. Ils ne viennent pas rencontrer un spécialiste en psychologie. Ou bien ils viennent rencontrer un sage, quelqu'un qui est dans la catégorie des adultes, des plus âgés qu'eux. Hein, mais ils perçoivent cet adulte comme ils percevraient leur père ou leur grand-père ou un membre de la communauté des sages de leur tribu, mettons, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas un spécialiste d'un domaine particulier. Je suis peut-être un sage en raison de mon âge canonique ou alors quelqu'un qui s'intègre dans un appareil administratif et qui peut leur fournir un certificat qu'ils pourront faire valoir ailleurs. L'idée que je puisse leur prodiguer une psychothérapie est plutôt invraisemblable. On me consulte ponctuellement, mais l'idée d'une continuité dans le traitement est très rare. Pourquoi ? Parce que la continuité dans le traitement implique la sériation. Or, pour eux, chaque séance de psychothérapie est un événement original. Il n'est pas dans la série des événements. Il ne la classe pas dans une continuité. Chacun est sui generis. Comme l'écriture. Orientale, puis comme en soi, c'est une image. Chaque lettre est une image. Oui, chez les pharaons, oui. Mais effectivement, l'écriture arabe est une écriture cursive et qui, même quand l'ordinateur est arrivé, elle a gardé son caractère cursif. C'est-à-dire que la lettre n'est pas la même en début, en milieu et en fin de mot, par exemple. Hein? Et même quand on a introduit l'ordinateur, on n'a pas séparé les lettres entre elles. On s'arrange grâce à l'ordinateur pour que ils reconnaissent que entre deux espaces il y a un mot et ils combinent les lettres de manière à ce que la lettre qui est au milieu soit une lettre du milieu et la lettre qui est à la fin soit une lettre de fin. Donc chaque mot qu'on écrit est effectivement quelque chose d'original. On est dans la singularité, si vous voulez, en Orient. Le rendez-vous lui-même est très hypothétique. Pour prendre un rendez-vous, il faut avoir de très sérieux motifs de le faire. Ces motifs doivent être explicitement renouvelés à la fin de chaque séance pour engendrer la possibilité de la suivante. C'est-à-dire que il y a un rapport entre le thérapeute et le patient qui est un rapport de stimulation réciproque, d'intéressement réciproque. De plus, se présenter à une heure déterminée de façon hebdomadaire est très difficile à soutenir. Même se présenter à l'heure à un rendez-vous est laborieux. Curieusement, on peut se présenter avant l'heure ou après l'heure, mais jamais à l'heure. C'est parce que arriver à l'heure, c'est trop banal, c'est trop plat, c'est trop ça n'a aucun sens. Alors que arriver avant l'heure, ça a du sens. Arriver après l'heure, ça a du sens. Mais arriver à l'heure, c'est plate. Ça... Il y a des Occidentaux qui ont des manières orientales à ce moment-là. C'est ça. Ils peuvent toujours plaider ça. C'est pas toujours. Alors, les associations libres sont elles-mêmes impossibles. Elles postulent que tout ce qu'on dit a la même valeur. Alors que, avant la phase phallique, tout ce qu'on dit s'adresse à un interlocuteur avec qui on négocie toutes sortes de choses constamment. Le divin est lui aussi totalement impossible, puisqu'il implique une coupure d'avec l'interlocuteur avec qui on négocie, ou bien un dévoilement du lien intime à Dieu. Le divin peut aussi comporter un aspect narcissique hautement inconfortable pour un oriental traditionnel. Mais pourquoi c'est des orientaux que vous parlez? Pourquoi c'est pas des occidentaux? Ben parce que les occidentaux, depuis la modernité, donc depuis 5 siècles, sont entrés dans la phase phallique de plein pied. Alors que les orientaux, eux, sont restés attachés à l'objet partiel. Ils sont dans une structure d'objet partiel. Ça, c'est les deux côtés comme... Non, ça, c'est les diverses formes de généralisation dans lesquelles l'oriental se refuse à rentrer. Ah, OK, c'est pas le dip d'un bar, puis le... ça reprend pas. Je pensais que ça reprenait les deux côtés. Là. Non, non. Là, on a les associations libres, où tout ce qu'on dit est d'égale importance. Ça, c'est invraisemblable. Mais on dirait que ça me mélange, les orientaux, dans le sens que les clients ici vont-tu avoir ce même genre de... Ben, s'ils sont orientaux, oui. Ben, parce que il me semble que ça rejoint aussi les occidentaux. Ça me mélange. Mais je sais, c'est très mélangeant, parce que ça va chercher les fondements de la pensée, là. Là, je vous demande de descendre au fondement de votre propre pensée. C'est pas facile. Fait que là, on regarde les orientaux, puis on s'occupe pas là, de ce que les clients occidentaux... Parce que il me semble que les clients, ils font ça aussi là, quand ils sont occidentaux. Ils font quoi? Ben, ce que vous décrivez. Ils sont pas capables de se coucher sur le divan en commençant. Ben, en commençant, mais par après, ils peuvent le faire. C'est une démarche qui devient normale à partir d'un certain moment pour eux. Alors que pour les orientaux, c'est plus difficile. Mais bon, écoutez, je cherche à mettre en valeur une structure psychique, au fond. Concrètement, là, c'est moins ma préoccupation. Tous ces phénomènes disparaissent dès qu'il y a sexualisation. C'est-à-dire dès que chez un patient oriental, il y a une problématique de sexualisation. Dès que la pathologie présentée et de type sexuel, le patient oriental devient tout à fait comparable au patient occidental dans son rapport aux modalités du traitement. Il peut venir régulièrement à ses rendez-vous, se coucher sur le divan, faire des associations libres, arriver à l'heure, etc. Donc il y a la sexualisation qui est entrée en jeu, c'est-à-dire que la structure de l'objet partiel, qui est une structure, si vous voulez, naïve, c'est la structure de de l'enfant qui tète naïvement le sein de sa mère. Ou l'enfant qui offre son caca à sa mère. C'est une structure naïve qui n'est pas sexualisée. Elle n'est sexualisée, elle n'est érotisée qu'a posteriori. Mais sur le moment, il y a une naïveté chez l'enfant, il y a une sorte d'échange qui se passe entre la mère et l'enfant, qui est dans la catégorie de l'échange, si vous voulez. On est dans une structure différentielle. Alors que quand on passe du côté de la sexualisation, on est déjà rendu dans une structure énergétique où l'énergie sexuelle ou l'énergie érotique a été catégorisée comme étant sexuelle et elle est comme harnachée dans une perspective sexuelle. C'est pour ça que la pédophilie est très problématique parce qu'elle harnache dans une orientation sexuelle un certain nombre d'émotions qui sont dispersées dans un plan, si vous voulez, d'échange, et non pas ce caractère sexuel qui leur est donné soit par le pédophile prématurément, soit par l'histoire de vie finalement, qui donne un caractère sexuel progressivement au corps de l'enfant pendant qu'il grandit. Mais enfin, on aura l'occasion de revenir sur ces questions parce qu'elles sont extrêmement délicates, extrêmement délicates. C'est qu'on a abusivement attribué une sexualisation aux premières années de l'enfance, mais c'est une sexualisation a posteriori. Et c'est une sexualisation qui a été attribuée à partir de ce qu'est devenu l'enfant plus tard. On en a déduit qu'il était déjà sexué au début. Mais il y a une erreur de perspective là qui est gravissime. Une erreur une erreur rétroactive, mettons. Et vous allez voir que cette erreur n'est pas seulement commise avec les enfants. Elle est aussi commise dans d'autres circonstances, mais je ne veux pas brûler les étapes. Alors là, je parle évidemment de l'illusion rétrospective, justement. La science, notre métier de psy, la répétition des séances sous le vocable de psychothérapie, les heures qui se répètent, les associations libres, le divan, tout ceci n'existe pas ou est hautement invraisemblable avant la phase phallique et n'existe que grâce à elle. Pourtant, et c'est une des difficultés de cette phase phallique, celle-ci instaure une illusion rétrospective qui fait croire qu'il en a toujours été ainsi de tout temps. C'est-à-dire, c'est la phase phallique qui instaure la sexualité en tant que telle, mais elle fait croire que rétrospectivement, déjà du temps de l'objet partiel, c'était déjà sexuel. N'était la fâcheuse tendance de la phase phallique à généraliser et à considérer que tout lui est semblable, on aurait pu aisément reconnaître qu'entre la phase édipienne et la phase phallique, il y a beaucoup plus qu'une différence chronologique. Entre ces deux phases, il y a en réalité un changement d'univers logique. animisme et totémisme. Pour mieux comprendre cette différence entre les deux phases, je vous propose de l'aborder sous un angle anthropologique. En anthropologie, on distingue dans les tribus primitives deux phases. Une phase animiste, durant laquelle tout animal est susceptible d'être chassé, à condition toutefois qu'on réserve une partie de la proie au dieu de l'espèce qui nous l'a prodigué. Si je tue un cochon, avant de le dévorer, je réserve une partie de ce cochon au dieu des cochons qui m'a envoyé ce cochon, mettons, ou ce sanglier. C'est une phase où l'inhibition par rapport aux animaux est relative. Elle est seulement conditionnée par le sacrifice rituel et obligatoire d'une partie de chaque proie. Alors, je tue un animal, je dois sacrifier une partie de cet animal pour me faire pardonner, et je peux le donner éventuellement à quelqu'un ou au dieu, peu importe. Ça, c'est la phase animiste. Puis vient la phase totémique. Vous voyez, la phase animiste, ici, c'est intéressant. Vous voyez sur le dessin, c'est un dessin pharaonique, là, où vous voyez des objets partiels, des animaux, mais des jambes de taureau, là, C'était quoi le triangle espèce-proie? Hein, phase animiste. Ah, chasseur. Oui, c'est ça. Donc, dans la phase animiste, on sacrifie juste une partie de chaque proie, l'objet partiel. Puis vient la phase totémique, durant laquelle un animal est sacralisé. Un seul animal. Cet animal sera prohibé de chasse de façon absolue. En revanche, la chasse de tous les autres animaux sera totalement libérée de toute contrainte rituelle. Donc, je peux tuer tous les animaux sauf un. Où je peux consommer tous les animaux sauf un. Moyennant l'inhibition absolue de l'animal totémique, le chasseur a gagné la désinhibition absolue de tous les autres animaux qu'il pourra chasser sans s'embarrasser de scrupules. Il y a là un gain de performance substantiel. Cette théorie est celle de Fraser, sur laquelle s'est appuyé Freud pour écrire Totem et Tabou. J'ai accentué dans cette théorie l'idée d'une succession chronologique entre la phase animiste et la phase totémique, succession qu'il est bien sûr difficile d'observer sur le terrain, puisque on a des tribus qui sont rester à la phase animiste et d'autres tribus qui sont à la phase totémique, mais on n'a jamais vu une tribu passer de la phase animiste à la phase totémique, hein, c'est ça. J'ai dégagé surtout l'avantage en termes de liberté d'action que le chasseur peut trouver dans le passage de l'une à l'autre. Hein. Donc l'avantage pour le chasseur, c'est qu'il y a eu sériation. Et il peut tuer tous les animaux et les bouffer immédiatement, sauf un. Et donc son problème est réglé. Bon, je vais aller, si vous permettez. Socialisation et métaphore. De plus, dans ce passage, Il se constitue pour la première fois une collectivité homogène dont chacun des membres est marqué par l'interdit que chacun consent à respecter de chasser l'animal totémique. C'est important ça. C'est que si par exemple je décide que l'animal totémique, c'est, mettons, le cochon. Pour les musulmans, c'est le cochon. Ou bien les juifs. Hein. Tout le monde, tous ceux qui vont s'empêcher de manger du cochon vont être des musulmans. Mais désormais, si vous voulez, on peut faire une équivalence entre musulmans et non-mangeurs de cochons. Hein? Musulmans et cochons, ça va être équivalent. Parce que l'animal totémique, dans le fond, des musulmans, c'est le cochon. Donc le cochon permet de faire une collectivisation et une homogénéisation. La qualité première du musulman, la matière du musulman, on ne va plus dire musulman, on va dire cochon. C'est comme une homogénéisation par l'animal totémique, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on dit aux musulmans quand ils sont petits, dans le sens, sais-tu qu'ils peuvent mourir, sais-tu qu'ils ne seront pas acceptés? Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport aux cochons? Bon, c'est juste interdit. C'est carrément interdit. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de mythe, là. Non. Ben, il y a des mythes qui circulent populaires, là, mais pas... C'est hérité des juifs, au fond, c'est pas plus compliqué. La première collectivité homogène se constitue ainsi comme étant l'ensemble des gens qui vont respecter le totem en question. C'est-à-dire, il n'y aura plus des hommes, des femmes, des grands, des petits, il y aura juste des gens qui ne mangent pas de cochon. Hein, donc il y a une homogénéisation. Entre cette société naissante et la collection des animaux du totem, il se constitue un lien narcissique qui se trouve être un lien métaphorique de représentation. Donc le totem va représenter la société de ceux qui s'en privent. Alors, deux systèmes logiques hétérogènes. Nous voyons se dégager deux systèmes logiques hétérogènes. Un premier, celui de l'objet partiel métonymique, hein, du sein greffé sur un halo maternel, hein, une mère qu'on ne distingue pas encore en tant que totalité, on ne voit que son sein. Celui de la partie de la proie que l'on doit sacrifier à l'espèce qui nous l'a prodiguée. Celui du plus de jouir ou de la plus-value. Je vous rappelle que la plus-value est cette part du salaire de l'ouvrier qui est retenue par le capitaliste et qui permet à celui-ci d'augmenter la valeur des marchandises produites. D'où le terme de plus-value. Donc au fond, la plus-value, comme le définit Marx, c'est cette part du travail de l'ouvrier qui n'est pas payée à l'ouvrier et donc qui revient comme bénéfice au capitaliste. Tandis que le plus de jouir, selon Lacan, est cette part de jouissance retenue par le grand autre pour valoriser sa propre jouissance. Il n'y a pas de différence à ce niveau entre le primitif et le moderne. Du primitif au moderne, la logique de la partie que l'on doit sacrifier à l'autre demeure inchangé. Le deuxième système logique qui vient se superposer au précédent est celui du phallus, totem, du phallus totem, qui met fin au règne de l'objet partiel et à l'inhibition relative que cet objet inspirait. Il inaugure le règne de la collectivité totalisée et de la métaphore. La collectivité des animaux totémiques représente la collectivité des membres du totem. Le totem devient la métaphore des membres du totem. L'Orient. Nous avons à présent suffisamment de repères théoriques pour décrire bien des réalités psychiques et collectives, et en tout cas suffisamment pour décrire la différence Orient-Occident. Mais si vous voulez, peut-être que avant de poursuivre, je pourrais vous dire que j'identifie la phase de l'objet partiel comme étant la phase anthropologique, alors que la phase phallique est plus la phase sociologique moderne. Vous voyez? Et pour revenir au cours d'écoute anthropologique, l'écoute anthropologique, ça représente l'idée d'aller rechercher cette phase de l'objet partiel qui a été perdue même par les psys, parce que l'influence, si vous voulez, de la sociologie moderne, de la société moderne, leur a fait oublier la vraie dimension de l'objet partiel. Ils ne perçoivent l'objet partiel que à travers le phallus. Ils ne comprennent pas la spécificité de l'objet partiel. Comme, mettons, Mélanie Klein. Oui. Il y a une sexualisation excessive de l'objet partiel qui est totalement inappropriée, y compris par Mélanie Klein. Et cette sexualisation est extrêmement problématique parce que, et je pense que c'est l'erreur fondamentale des psychanalystes femmes qui ont commencé à s'occuper d'enfants et qui ont eu des échecs thérapeutiques assez tragiques, ont perdu leur patient par suicide et tout ça, c'était... On n'est pas dans qu'est-ce qu'on ferait de différent. Ouais, c'est ça. On reviendra là-dessus. C'est-à-dire que l'erreur, à mon avis, qu'elles ont faite, c'est d'attribuer à la phase de l'objet partiel des qualités qui sont propres à la phase phallique. Mm-hmm. C'est ça leur erreur. C'est-tu ça qu'elles m'en ont pas aimé? Oui, surtout, exactement, tout à fait, ça fait partie de ça. Et surtout quand j'applique ça au domaine plus politique, sociologique, anthropologique. Nous avons à présent, je disais-je, suffisamment de repères théoriques pour décrire bien des réalités psychiques et collectives, et en tout cas suffisamment pour décrire la différence Orient-Occident. L'Orient, vous l'aurez deviné, se repère plus facilement dans la phase édipienne ou la phase animiste. Un oriental traditionnel, c'est-à-dire un oriental qui n'a pas été modernisé par l'intégrisme, aura une modestie généralisée. Son rapport à l'objet sera presque toujours médiatisé par la référence à Dieu ou par la dimension paternelle. Dans cette modestie et cette référence à Dieu réside une part non négligeable de la séduction de l'Orient. La règle implicite que tout serait accessible pour peu que Dieu l'autorise donne un aspect féerique à l'Orient, comparable à ce que le judaïsme avait imaginé dans le jardin d'Éden. Tout est permis et accessible, sauf cette partie que l'on réserve à Dieu. Dans cette conception du monde, la réalité est un espace transitionnel entre soi et Dieu. Le monde est conçu comme édénique. Parce qu'ils sont arrivés. Vu sous cet angle, peut-être on peut arrêter en attendant qu'il y ait... Alors, vu sous cet angle, l'Orient traditionnel connaît peu la solidarité sociale. La dimension sociopolitique est très affaiblie. C'est que chacun, si vous voulez, est en relation à Dieu. Et ce lien à Dieu est très prédominant. L'idée d'une collectivité sociologique ne vient pas spontanément. Durant les derniers siècles, l'Orient n'a pas fait preuve de beaucoup de solidarité collective. Celle-ci eût assurément protégé ses droits s'il en avait manifesté un tant soit peu devant les multiples prédations du colonialisme. C'est que malgré l'atmosphère édénique, l'oriental est éminemment seul. Il a une place définie dont il est responsable dans une structure. Il se repère comme père, fils, fille, frère, sœur, cousin maternel ou paternel, oncle, tante, etc. Il lui est très difficile de quitter cette place particulière pour s'élancer vers le général. Voyez? Alors que dans le général, il est juste un non-mangeur de cochons. Hein, vous voyez, c'est comme une conception très différente du monde. Parce que quand, si on définit les choses sur le versant totémique, si vous voulez, il n'y a qu'une seule qualité qui compte, c'est celle de ne pas manger le totem. Et tout le monde est uniformisé, on est tous pareils. Donc il y a une atmosphère d'homogénéité et de solidarité qui s'instaure. Alors que quand il n'y a pas cette idée de totem, ou quand elle est plus faible, à ce moment, on revient du côté du spécifique. On est père, fils, fille, mère, sœur... On est tissé dans un lien de réseau, si vous voulez. En même temps, on associe les sociétés orientales à des sociétés plus collectivistes. C'est ça. Là, c'est comme si vous dites qu'ils sont plus individualistes. Je comprends pas. Voilà. Ça vient comme harmonie. C'est exactement. C'est parce que la notion de collectivisation est une projection de la phase totémique sur la phase de l'objet partiel. Donc c'est une conception erronée que l'on a de l'Orient. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu tiens à cette conception? Ben, parce que j'ai quand même travaillé beaucoup en interculturel, puis rencontré des cultures, puis j'ai fait des études sur les Vietnamiens, j'ai rencontré des familles vietnamiennes, puis je les ai pas vécues comme ça. Fait que ça crée un décalage pour moi dans la conception. Moi, c'est pas ma conception du monde. Je me dis peut-être parce que le prof est oriental que cette conception du monde-là. Mais moi, je ne partage pas cette conception du monde. Celle qui dit que... Dans le sens que c'est comme si ça vient comme tout fucké quand vous dites que ben, les gens en Orient sont beaucoup plus individualistes, ben je sais pas, là, je sais pas comment vous rentrez ça. Là. Ils sont pas individualistes, ils sont isolés. Ils sont isolés dans une structure symbolique, dans une structure relationnelle où il n'y a pas d'homogénéité, où ils sont plus dans des liens différentiels. C'est pas... Moi, c'est drôle, je les vois plus homogènes qu'hétérogènes, en arrière. Mais là, je veux dire, de ce qu'on voit de l'extérieur, dans le sens qu'ils ne dérogeront pas aux valeurs de la famille, ils vont plus se plier à ce que les parents, dans le fond, avaient prévu pour eux. Au niveau du mariage, oui. Ils vont moins déroger facilement à ce qui était attendu dans la famille qu'en Occident. Ils se marginalisent moins. Dans ce sens-là, je vois pas comment ils sont plus individualistes. Mais vous allez tout à fait dans le même sens que moi, mais... C'est que ils ont des contraintes symboliques extrêmement féroces et ils n'ont pas la liberté de se mouvoir dans ces contraintes-là. Il y a moins de liberté de penser puis de sortir de ce cadre-là d'une certaine façon. C'est ça. Donc ils sont extrêmement isolés. Ils sont isolés dans la contrainte dans laquelle ils sont. Dans ce sens-là, ils sont moins libres. C'est ça. C'est-à-dire la structure sociale leur donne beaucoup plus de contraintes que celles qu'on a ici. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Alors, les contraintes pour eux sont tellement grandes qu'ils sont isolés face à ces contraintes. Et leur niveau de responsabilité est beaucoup plus élevé que le nôtre. Vous voyez? S'ils doivent déroger à une règle, ça porte beaucoup plus à conséquence que pour nous. Vous voyez? C'est ça. Probablement au niveau des cadres là, de référence que ça vient amener une confusion dans certains cadres qui sont présentés par rapport à d'autres. C'est comme toutes les notions collectivistes, individualistes. Dans la façon de l'expliquer, je trouvais que ça laissait croire qu'on était dans un truc inversé. Oui. Parce qu'on ne parle pas des mêmes niveaux. C'est-à-dire qu'on a tendance à projeter sur eux des conceptions qu'on a de nous. Hein? C'est ça qui... Il y a ça aussi là, qui joue, mais... Quand on est occidentaux, on projette à partir de ce qu'on est. Quand on est oriental, on projette à partir de ce qu'on est. Oui. Puis c'est toute la question de l'ethnocentrisme, puis comment on regarde la société de l'autre à travers nos lunettes à soi. C'est ça. Là, je comprends bien ça. Mais je veux dire, c'est mon idée, c'est pas tellement de faire reproche, là. C'est juste de dire que cette projection nous trompe. C'est juste que si on veut vraiment apercevoir la réalité des choses, il faut enlever cette projection, l'écarter, et voir les choses dans ce qu'elles sont et non pas à travers la projection qu'on fait dessus. C'est juste que... Voilà. Alors, je disais... Donc, il lui est très difficile de quitter cette place particulière pour s'élancer vers le général. Dans une structure communautaire dont les places sont distribuées par un système symbolique, chacun est essentiellement seul à sa place. Le père de famille est seul à sa place de père de famille. Et lorsqu'il rencontre d'autres pères de famille, c'est dans des conditions strictement codifiées. Un peu comme dans le jeu de Sudoku. Chaque chiffre est unique sur sa ligne et sa colonne, mais sa présence à cette place est déterminée par la présence du même chiffre, mais dans d'autres colonnes ou d'autres lignes, souvent éloignées de là où il se trouve. Donc, ouais. Et vous savez combien le Sudoku est très déterminant pour chacune des places. Il n'y a qu'une seule place et pour chaque chiffre, et on n'a pas le choix là. C'est pas, il n'y a pas de variété. Ce qui m'est intéressant, c'est la signification du mot seul. Oui. Seul dans le sens que, exactement dans quel sens, c'est la solitude. Par exemple, le père de famille est tout seul dans sa place. Ça veut dire... Et à l'Orient, ils sont plus seuls, non? Et à, le système symbolique, il n'y a plus de contraintes. Donc, il y a, l'individu est plus seul, non? Et plus seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas souvent l'occasion de rencontrer la rivalité. C'est-à-dire la rivalité est une circonstance exceptionnelle pour lui. Il est plutôt continuellement dans la différence. La rivalité vient de loin. C'est-à-dire c'est un autre chef de famille qui est de l'autre côté de la rue. Là. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une confrontation directe. Fréquentes, les confrontations, les rivalités. Oui, parce que quand il y a rivalité, il y a des semblants, il y a des, comment on dit, semejantes, on dit en espagnol, les semblants, comment est-ce qu'on dit, similitudes. Simulation, la simulation. Non, mais la personne, par exemple, nous sommes des semblants, des l'autre qui est pareil à nous. Oui, oui, le semblable. Semblable. Il y a la rivalité quand il y a des semblables. C'est ça. C'est pour ça qu'on est accompagné un peu, non? Quand on a un semblable, on est accompagné. S'il n'y a pas de semblable, il n'y a pas de rivalité, on est seul. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là. C'est ça. Et dans les structures traditionnelles, les moments où il y a le semblable sont rares. Hein? Oui. C'est plus des moments où on est différent. La structure familiale, c'est un endroit où tout le monde est différent les uns des autres. Hein? Oui, ouais. Chacun son rôle. Chacun a sa bien place. Délimité. C'est ça. Ok. Et en d'autres termes, l'oriental est plongé dans le singulier, c'est-à-dire que seul, ça va aussi dans le sens de singulier. Hein, c'est ça. Donc le singulier, c'est vraiment intéressant comme terme pour qualifier cette solitude. Parce que c'est pas le même sens, ça me donne un peu de confusion, parce que c'est pas la même, le même sens que par exemple en psychanalyse on parle de la singularité. C'est pas cette singularité là, c'est tout au contraire. C'est quand on parle de la singularité dans la psychanalyse, c'est la singularité du sujet. Ça veut dire que est toujours valide la différence, est toujours valide la particularité. Oui, c'est ça. Mais la base, c'est une autre chose, c'est une autre singularité. Parce que par exemple, le père de famille, à Lorient, il y a la singularité parce qu'il est seul dans sa place, dans ce sens-là. Oui. Mais il y a d'autres pères de famille. Tous les pères de famille, les groupes de pères de famille, pourquoi il est seul s'il y a, il est comme les autres pères de famille. Oui. C'est supposé qu'il est accompagné dans ce sens-là. Il est père de famille et il doit remplir sa place de père de famille, oui. C'est sûr. Mais il la remplit d'une façon singulière, d'une façon qui lui est propre. Donc il est singulier à cette place. Il n'est pas sous le regard d'un tiers dans une série de pères de famille. Il est seul, singulier. C'est la différence. Est-ce que je fais ça pour moi ou je fais ça pour les autres, hein? Il est père de famille à sa place de père de famille et il joue son rôle d'une façon qui lui est propre. Mm-hmm. Bon, en Occident, c'est pas comme ça? Ben, en Occident, on est plus facilement dans la généralité que dans la singularité. Et si on veut être singulier, il faut aller chez le psychanalyste pour retrouver sa singularité. On est en Occident très marqué par la généralité, par le regard extérieur qui nous amène du côté de la généralité. Oui, c'est ce qui fait que c'est bien accepté d'avoir plein d'experts qui orientent, donnent des indications de comment faire toutes les positions. Voilà, c'est ça. Et qui ont des propos généraux sur tous les comportements possibles. Oui, oui. Alors que on n'a pas ces propos généraux qui sont disponibles. En plus des instances comme la DPJ. Voilà. Il y avait moins là-bas aussi, marqué. C'est ça, c'est ça. Et par contre, on dit qu'en Orient, il n'y a plus de contraintes. Oui. Symboliques. Des contraintes symboliques, différentielles. Différentielles. Oui. C'est, moi, je suis père, tu es fils, je suis mère, je suis... Il y en a des rôles distincts. C'est les différences qui importe. Mais en même temps, chacun dans son rôle a la liberté du particulier. Du singulier, exact. Du singulier. Mais cette liberté du singulier est minime. Mmh. Mais en même temps, elle est effectivement singulière. C'est-à-dire que j'ai très peu de critères généraux pour agir. En tant qu'oriental, je suis plus dans ma singularité, sans proposition générale, comme je disais, là, sans la... Enfin, il faut dire que ces choses sont en train de changer là récemment. Moi, je vous parle ici de l'Orient traditionnel d'il y a 50 ans. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est plus ça du tout. Alors, ça vous mélange un peu là parce que l'Orient intégriste, ce n'est plus. C'est devenu un Orient occidentalisé où on est dans le général. Vous voyez? Donc, vous êtes un peu mêlés à cause de ça. Moi, j'ai connu cet Orient-là il y a 50 ans, mais il n'existe presque plus à cause de l'intégrisme. L'intégrisme, c'est une généralisation. Voilà, en d'autres termes, l'oriental est plongé dans le singulier et dispose de très peu de généralité pour l'extraire de ce singulier. Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait revenir à l'idée d'objet partiel, ça peut nous être utile. Comment celui qui est dans l'objet partiel, il est aussi dans le singulier, alors que quand il arrive à la phase phallique, il est dans le général. Celui qui est dans l'objet partiel, c'est l'enfant qui veut le sein maternel, il est dans le singulier parce que si on ne lui donne pas le sein ou si on le lui donne, ça change beaucoup pour lui. Là. Il est dans un rapport entre lui et sa mère, il y a un rapport de négociation. Et cette négociation est vitale pour lui. Hein, on peut dire ça comme ça. Il est dans un rapport de négociation avec sa mère et ce rapport de négociation est très important. Il l'implique totalement, tu vois. C'est peut-être pas pertinent la question à ce moment-ci, mais peut-être qu'on la prendra plus tard. Mais est-ce qu'une des choses qui choque ou qui a choqué, c'est l'idée qu'il y aurait entre les orientaux, les occidentaux, une différence structurelle, quand souvent ce qui est véhiculé, c'est que les différences ne sont que cosmétiques, tu sais, que voilà. Fondamentalement il y a une égalité, qu'on ne peut pas. Tout à fait. Qu'on apprend de tout le monde et que tout le monde est pareil. Et que, tu sais. C'est ça. Nous sommes tous des entités individualisées. Uniforme et homogène. C'est ça l'idée ouais. Qu'on se fait. Alors que c'est pas ça du tout de l'autre côté. Exact. Enfin. Mais ça peut être assez choquant de. Est-ce que, surtout quand celui qui est dans le spécifique dit je suis dans le spécifique, je veux pas être dans le général. Exact. Oui. Il y a quelque chose. Mais peut-être que. Élise pourra nous dire pourquoi elle est allée fumer une cigarette. Ben, je pense qu'il y en a de ceux qui choquent de dire ils sont fondamentalement, structurellement différents quand. Non. Ils sont comme nous, c'est juste. Voilà, c'est, voilà. C'est on ça. Les accepte. Et il y a toute la. Exact, ouais. peut-être que. Je reprends mon texte là. Peut-être que sa situation oedipienne à l'oriental serait comparable à quelqu'un qui a un certain nombre de marchandises qu'il souhaiterait échanger dans un espace où il n'y a pas d'unité monétaire avérée. Hein? Chacun serait contraint d'être en perpétuelle négociation avec tous les autres. Il serait déterminé par le produit qu'il a à échanger. Tu vois? Alors, j'ai un produit. Donc, il faut que je trouve celui qui va s'intéresser à mon produit. Hein? Mais celui qui va s'intéresser à mon produit, je vais devoir le lui donner. Et il ne va rien me donner en échange. Vous voyez la situation? Parce qu'il n'y a pas d'unité monétaire. Vous voyez? C'est ça la situation critique quand même. Il y aura, s'il n'y a pas d'unité monétaire, il y aura toujours quelque chose à échanger. Au lieu de l'unité d'échange, mais il va y avoir toujours quelque chose à échanger. Non, parce que là, on est dans un système triangulaire, quand il y a un système, quand il n'y a pas d'unité monétaire, le système est plus un système de dons. Hein? Alors je donne, et puis j'espère que le fait que j'ai donné se sache. Et qu'on s'en rappelle. Et peut-être plus tard, on va me donner quelque chose. Mais on est dans l'incertitude, là. Donc le risque que je prends à donner quelque chose est énorme. Tu vois? C'est pas je donne et je suis sûr que l'autre le lendemain va m'amener un chèque, là. C'est pas du tout sûr. Donc on est dans une situation très embarrassante, là. Qui est l'objet partiel. C'est oui. La situation de l'objet partiel. L'état impérial et royal est le seul propre à convenablement représenter la structure communautaire. D'ailleurs, les deux états arabes qui ont un minimum de stabilité durant le dernier siècle sont le Maroc et la Jordanie, qui sont tous les deux des monarchies. Le roi incarne mieux la solitude de l'humain dans le système communautaire. Le trauma qui fait naître la sexualité. Non content de vous avoir dit qu'en Orient la solidarité sociale était absente et qu'il ne suffit pas que quelques personnes vivent ensemble pour qu'elles constituent une collectivité, je vais pousser la témérité plus loin jusqu'à vous dire qu'en Orient, la sexualité n'existe pas. Non, je ne suis pas délirant. Ce que je veux dire, c'est que dans l'Orient traditionnel, qui, je vous le rappelle, est radicalement différent de l'Orient intégriste, les choses du sexe sont prises dans une série de contraintes codifiées qui les rend équivalentes aux choses du commerce, de l'agriculture et de l'élevage. Il y a un pragmatisme dans le traitement de la question sexuelle qui est traité de la même façon que les autres aspects de la vie privée et publique. La sexualité en tant que telle, en tant qu'énergie, n'a commencé à exister que rétrospectivement, à partir du moment où Freud dit que tout est sexuel, c'est-à-dire à un moment où Freud se place dans une position phallique en disant « quel que soit X, phi de X, tout est sexuel ». Rappelons que le passage s'est fait par le biais du trauma sexuel que Freud découvre chez ses patientes. Qu'est-ce que le trauma sexuel, sinon la disparition du plus de jouir? Le trauma est ce moment où la jouissance déborde. La limite que lui a signée le plus de jouir est largement franchie. Il y a une égalité entre ce que mérite le sujet en termes de jouissance et ce qu'il reçoit. Freud a dû rencontrer la même condition historique que moi avec les patients orientaux. Seuls les patients qui avaient été sexualisés par un trauma se retrouvaient dans son bureau avec suffisamment de régularité pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Autrement, la sexualité n'est pas du tout un flux libidinal. C'est une certaine énergie contenue dans des oppositions de signifiants. Oui. Le trauma, en submergeant le sujet de jouissance, fait disparaître le plus de jouir et introduit de ce fait le principe de l'égalité entre ce qu'on estime mérité et ce qu'on reçoit, comme l'ouvrier qui reçoit son salaire et plus que ce qu'il mérite, alors qu'avant il recevait moins que ce qu'il méritait. Hein? Il y a un changement là. La disparition du plus de jouir, c'est quand on reçoit ce qu'on mérite, et même plus que ce qu'on mérite. On a reçu un flux là par le trauma, on a reçu un flux énergétique, un flux libidinal énorme, qui est comme si on avait, au lieu de recevoir un modeste salaire, on reçoit. On gagne à la loterie, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est la même différence. Hein? Et c'est l'égalité entre ce que je mérite et ce que je reçois qui, par la rapidité des échanges qu'elle permet, produit la notion de flux sexuel et donc de libido. Ce n'est que rétroactivement qu'on attribue une valeur sexuelle fluide à des différences de signifiants. Hein? Que du temps de l'objet partiel, il y avait des différences de signifiants. Et ces différences, il fallait toujours les respecter. Quand on change de domaine, quand on introduit l'égalité entre signifiants, on met fin à la différence des signifiants, ils deviennent égaux. Cette égalité entre les signifiants rend la circulation fluide. Les enfants qui ont été abusés, ils sont hypersexués. Ils sont, l'idée de sexualité chez eux est très forte. Ce retour rétroactif du sexuel sur l'Édipien a un caractère très problématique, puisqu'il introduit le sexuel à des phases très précoces, avec ce qu'il comporte de culpabilité et de désespoir. C'est comme si l'enfant qui était dans l'objet partiel, on projette sur lui la culpabilité, si vous voulez. On culpabilise sa naïveté. Et donc on rend cette naïveté impossible finalement. On imprime ce faisant le désespoir de Édipe à Colonne. Hein, vous savez, Édipe qui vient de découvrir son crime. Hein, sur la naïveté de Édipe Roy. Vous voyez la différence entre Édipe à Colonne et Édipe Roy. Édipe Roy est naïf, il couche avec sa mère, il n'a aucun problème, il est le roi, il est heureux d'être roi. C'est ça l'objet partiel, si vous voulez, d'une certaine façon. Alors qu'Édipe à Colonne, c'est celui qui a découvert qu'il est coupable, qu'il a couché avec sa mère, etc. Et la projection rétroactive de la phase phallique sur la phase de l'objet partiel est équivalente donc à cette différence entre Édipe à Colonne et Édipe Roy. Il y a là comme un anachronisme qui joue le rôle d'un véritable abus sexuel. On croit bien faire en introduisant la sexualité à des stades très précoces, alors que le nourrisson, même s'il couche avec sa mère, doit pouvoir continuer à le faire en toute naïveté, sans avoir apporté prématurément le poids de la civilisation jouissante. le caractère structural du lien mère-enfant dans le système symbolique est important. Dans la structure, ce lien est rigide et il importe qu'il le demeure aussi longtemps que nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est rigide? C'est-à-dire qu'il a lieu dans des conditions toujours très bien codifiées. Enfin, regardez le schéma justement, combien il est intéressant. Donc il y a, si vous voulez, ici, la sexualisation qui est normale, si vous voulez, dans le passage de la phase édipienne à la phase phallique. Mais il y a un retour du phallus, hein, que j'appelle peut-être l'illusion rétroactive. Hein. Quand le phallus arrive, il postule que tout le reste était déjà comme ce qu'il est. Et ce truc imprime une terreur. Qui provoque le rassemblement totémique. En tout cas, en Orient, c'est comme ça que ça se passe. Donc la rigidité du rapport mère-enfant est une des formes de protection contre l'éventualité de l'inceste. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait une routine pour une routine sécurisante, si vous voulez. Toute modification inattendue ou fluidifiante, c'est ma soeur qui m'appelle. Je ne sais plus où j'en étais. Je vais la prendre ici. Toute modification inattendue ou fluidifiante de la rigidité du lien mère-enfant peut être perçue comme une incitation, peut-être excessive, à la jouissance. C'est pour cette raison que les nourrissons sont toujours très soucieux de maintenir la constance de leur environnement, hein, pour ne pas qu'il y ait tout changement a des implications suspecte. Hein? Pourquoi il y a ce changement, hein? Le pansexualisme abusivement utilisé a constitué une véritable agression tant sur les enfants occidentaux que sur les orientaux de façon générale. Il a isolé l'enfant de sa mère en culpabilisant leurs liens. La multiplication des pathologies précoces chez l'enfant est imputable en grande partie à cet isolement prématuré, sans compter qu'il a rendu, ce faisant, coupable les liens familiaux intimes et a contribué à les faire éclater. L'économisme. On est toujours là. À côté du pansexualisme rétroactif, il y a eu un autre facteur qui a eu des effets dévastateurs tant en Orient qu'en Occident, c'est le pan-économisme. À côté du tout sexuel, s'est déployé le tout économique, qui a lui rendu coupables les espaces non économiques, en les dénonçant comme indûment gratuits et en réalité déjà économiques. Cette agression par l'économique a grandement contribué à la dissolution des communautés, et en particulier des communautés autochtones, qui avaient un accès direct et gratuit à la variété des ressources. Les autochtones ont été écartés d'emblée de leur mode d'exploitation écologique des ressources et ont été systématiquement remplacés par des modes énergétiques d'exploitation de la ressource qui broient le milieu écologique pour en extraire un jus dévastateur. Ceux qui cherchent du pétrole se moquent de tout ce qui pourrait faire obstacle au culte de leur totem. Ils sont capables de détruire des milieux écologiques gigantesques, animaux, plantes et autochtones compris, pour rendre hommage à leur totem pétrolier. La sexualisation rétroactive, aussi bien que l'économisation rétroactive, ont pour effet de couper l'enfant de son lien avec la mère et de couper l'autochtone de ses ressources par le seul fait qu'elle instaure l'égalité là où il ne peut y avoir que différence, ou qu'elle remplace la rigidité de la structure par la fluidité du flux, par la liquidité du flux. Rencontre de la terreur. Peut-être que on pourrait prendre un break. On a fait 2 heures là. Hein? Vous êtes préparé pour la terreur. C'est vrai. C'est vrai, je m'aperçois qu'on n'a fait que la moitié du texte, puis on va laisser un peu les... Là, je vais faire une relaxation. Quoi? Hein? Moi, je vais faire une relaxation. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut rester zen jusqu'au bout. Tu veux t'allonger? Alors, la rencontre de la terreur. L'enfant et l'autochtone se retrouvent coupés de leurs ressources et donc coupés du système symbolique duquel ils tiraient leur subjectivité. Ils sont désormais vides de contenu et sans attache, jusqu'au moment où, dans leur errance, ils vont rencontrer la terreur, ce qui généralement arrive assez rapidement. Cette première terreur aura un impact important, beaucoup plus important que les peurs précédentes du temps où l'enfant et l'autochtone étaient encore branchés sur leurs ressources. Donc la différence entre la peur et la terreur, là, c'est là. Quand l'enfant et l'autochtone sont coupés de leurs ressources, la peur devient terreur. En ce temps-là, quand ils étaient encore branchés sur leurs ressources, comme les compagnons du village d'Astérix, ils ne connaissaient pas la peur. Mais à présent, orphelins de leur mère ou de leurs ressources, la peur aura sur eux un effet de terreur massif qui réveillera leur instinct grégaire. C'est important ce passage parce qu'il n'est vraiment pas anodin et il peut nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Les autochtones vont alors se rassembler sur un mode non structural. Les critères par lesquels ils vont se rassembler sont de peu d'importance. Ils peuvent être politiques, religieux, raciaux, ethniques ou linguistiques, que sais-je encore. Ce qui compte, c'est que le rassemblement soit le plus vaste possible pour vaincre le sentiment de terreur. Quel que soit le critère choisi, ces ensembles seront non structuraux sur le modèle de l'identification fraternelle, autrement dit, des intégrismes. Peut-être qu'en passant, je pourrais vous dire que cliniquement, si vous voulez, les douleurs et les surstimulations de certaines parties de corps relèvent de ce processus-là. Hein? Quand je me rappelle un cas qui m'a été raconté récemment, je ne me rappelle plus par qui, de quelqu'un qui avait reçu une balle de tennis dans l'œil. Hein? La balle de tennis en elle-même n'avait pas affecté l'œil matériellement, mais l'œil est devenu terrifié. Et il est resté en état de vigilance permanente avec la pupille continuellement ouverte, de façon permanente. Bon, c'est vrai qu'elle peut fermer la paupière ou l'ouvrir, mais la pupille est restée ouverte. Donc, l'œil est resté terrorisé, exactement comme je vous en parle ici. Donc, il est bien question de terreur dans des parties de corps. Très souvent, on a des parties de corps enflammées qu'on a le plus grand mal à calmer. Hein? Le dos, les jambes, les mains, ces parties de corps demeurent enflammées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont terrorisées. Il y a des parties de corps peuvent être terrorisés. Bon, je reviens à mon texte. Les différences individuelles, dans ce cas-là, deviennent des différences collectives. La ségrégation, comme instrument majeur de la mise en place de ces différences collectives, est un thème central des intégrismes. On ne peut plus dire un homme est séparé d'une femme par un lien différentiel rigide et codifié, mais on doit dire les hommes sont séparés des femmes parce que le lien devenu fluide rendrait toute coexistence coupable. Vous voyez la différence peut-être, elle est très évidente sous nos yeux entre le musulman traditionnel et le musulman intégriste. Hein? Peut-être que vous arrivez à la sentir. Le musulman traditionnel, il est seul en rapport avec une autre femme. Et il doit respecter un certain nombre de codes dans sa singularité avec ce rapport avec cette femme ou ces femmes. Alors que l'intégriste, lui, il vit dans une communauté d'hommes et il décide que la loi devrait l'empêcher de rencontrer d'autres femmes. Et il enveloppe les femmes dans leur ensemble, dans un univers différent du sien. Vous voyez la différence entre l'objet partiel et le phallus, elle est là. Dans l'objet partiel, c'est un individu qui se différencie d'un autre individu. Alors que dans l'objet total, c'est un ensemble d'individus de sexe masculin qui s'oppose à un ensemble d'individus féminins. Vous voyez, c'est ça la différence essentiellement. Entre les deux processus, il y a eu une collectivisation. Tandis que sur le plan clinique, les enfants vont rassembler les morceaux épars et orphelins de leur image du corps. Ils vont construire des images narcissiques hautement prévalentes, sans aucun ancrage symbolique. Pervers narcissique, autiste, TDAH, trauma, etc. la dimension partielle de leur psychisme va être totalement exclue. Ils vont craindre que des parties de leur psychisme ou de leur corps n'interagissent avec des parties du psychisme ou du corps des autres. Ils vont plutôt construire ou essayer de construire des images globales qui vont leur servir de bouclier. Ces images seront d'autant plus protectrices qu'elles réussiront à susciter l'intérêt d'autrui. Et on peut susciter l'intérêt d'autrui tant par le sexe que par l'horreur ou par n'importe quoi qui intéresse autrui. Ces simulacres sont protecteurs. C'est-à-dire, si vous voulez, les enfants qui ont été atteints prématurément par dans leur psychisme vont constituer peut-être des ensembles naïfs, hein, des ensembles comme si, avec leur mentalité d'enfant, ils vont essayer quand même de se créer un phallus fictif. Ils vont essayer de créer un ensemble fictif qui va leur servir de bouclier, dans l'intérieur duquel ils vont se protéger. Comme le trouble? Le bouclier, ça serait comme le trouble qui développe? Ou... Oui, oui, le trouble qui développe est un enveloppement. Comme il y aurait beaucoup de... Avec toutes les TDAH, ça veut dire que... C'est comme si la psychanalyse considère que c'est un trauma. Oui, le TDAH, on pourrait l'évoquer, là, mais... Pourtant, on peut voir au niveau du berceau un enfant qui a le TDAH, dans certains cas. Oui, c'est très possible donc, qu'il ait été... Donc, le trauma aurait été dans le... Ben, les autistes, le trauma est intra-utérin, je veux dire, pas de... Non, pas de... OK. Voilà, tout est dit. Le modèle que je vous ai proposé est capable d'expliquer une bonne partie des nouveaux phénomènes psychologiques et politiques du dernier siècle, en particulier l'intégrisme, évidemment. Le modèle ne fait aucune distinction essentielle entre Orient et Occident. Simplement, l'Occident a précédé de quelques décennies l'Orient dans le cheminement historique. Résumons-nous. Il y a deux logiques. Une logique édipienne, différentielle, communautaire et structurale, qui est habituellement première dans l'ordre chronologique. Puis, une autre logique, phallique, égalitaire, et sociale qui vient coiffer la précédente dans l'évolution historique. Dans certains cas, la logique phallique vient détruire les liens façonnés par la logique édipienne. Elle la pulvérise en quelque sorte. Les éléments ainsi pulvérisés se reconstituent par la terreur, dans une logique phallique qui simule, et simule seulement, la logique édipienne communautaire. C'est pour ça que les intégristes, ils sont dans les faits phalliques, mais ils sont obligés d'utiliser l'islam traditionnel pour se constituer une barrière, se constituer une protection. La nostalgie, si vous voulez, du temps communautaire est là, même s'ils ne sont plus dans ce temps communautaire. Ils vont chercher l'esprit communautaire, même si il n'est plus là. L'Europe a commencé à se rassembler sur un mode phallique avec le développement du capitalisme, la Révolution française ainsi que les guerres napoléoniennes ont provoqué l'explosion du mode de vie communautaire dans toute l'Europe, provoquant un exode rural massif vers les villes. Mais ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que s'est développé le nationalisme et l'antisémitisme, qui sont les formes qu'a pris l'intégrisme en Europe. Il ne faut pas confondre l'antisémitisme avec l'hostilité traditionnelle au judaïsme. L'antisémitisme est un phénomène propre au nationalisme. C'est purement et simplement le nationalisme appliqué à la question juive. Donc, si vous voulez, l'antisémitisme, c'est la version collectivisée de l'hostilité traditionnelle au judaïsme. Hein, mettons. Il considère les juifs comme des obstacles à l'accomplissement du nationalisme et regrette que les juifs n'aient pas du tout tendance à se rassembler sur un mode nationaliste. C'est ça le problème de l'antisémitisme, c'est pourquoi diable les juifs, au lieu de se rassembler comme nous on le fait en tant que nationalistes, les juifs ils continuent à se disperser partout. Tandis que l'hostilité traditionnelle au judaïsme a des raisons religieuses ou relève plus simplement de la crainte de ce qui n'est pas soi. Les nationalistes et les antisémites supportent mal que les juifs les empêchent de réaliser des rassemblements ethniques purs. Quels que soient les attentats ou les peurs qu'ils vont provoquer pour stimuler l'instinct grégaire et provoquer des rassemblements, la pureté de ces rassemblements sera forcément entachée par la présence des juifs. La chute des quatre empires centraux, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Russie et l'Empire ottoman, avec la Première Guerre mondiale, a considérablement renforcé le nationalisme puisqu'il a amputé la structure oedipienne qui subsistait encore d'un de ses appuis essentiels, la figure du père ou de l'empereur. Si bien qu'après la chute des empires et la chute de la figure du père, le nationalisme et l'antisémitisme n'ont plus connu aucun frein en provoquant l'immense désastre que l'on sait durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc au fond, ce que je dis, c'est que la Première Guerre mondiale a provoqué la chute de l'image paternelle. Et en ayant provoqué la chute de l'image paternelle, il n'y a plus aucun frein, si vous voulez, à l'impulsion collectivisante, si vous voulez. Ça a été la débauche de... Bon. Là, bon, je pense que j'en ai assez dit comme ça, là. Parce que là, on rentre plus dans la dimension très politique, puis je pense pas que ce soit vraiment nécessaire là, qu'on en parle ici. Et peut-être qu'on pourrait arrêter ce texte et passer plus à quelque chose de plus clinique. Hein. Je pense que c'est une demande qui a été faite avec régularité et puis je suis prêt à satisfaire cette demande-là, je la trouve importante. Mais là, il va falloir arrêter, là.